esprit à ses désirs, contraire à céder la chair. La chair aussi un homme, contraire à céder l'esprit. Ils sont opposés entre eux et il ne faut pas les mélanger. Mais comment peux-tu dire que tu es la limite?